Chapitre 35e. À partir de ce jour, la manière d'être de Vivien subit un changement extraordinaire. On eût dit qu'il commençait une nouvelle vie, et que toutes les pénibles émotions par lesquelles il venait de passer avaient disposé son cœur à une bienveillance et à une indulgence sans limite. Marc lui-même, après la terrible confession qu'il avait faite à Vivien, recevait aussi de son frère des preuves d'amitié et de confiance plus vives que par le passé. Un jour, le squire le prit à part et lui annonça la grande nouvelle, qui, pour lui, donnait tant de prix à l'avenir. « Vous ne m'en voudrez pas, dit-il, n'est-il pas vrai, d'avoir déchiré mon testament ? Si vous ne m'enlevez pas la direction des ardoisières, je serai toujours on ne peut plus satisfait de mon sort. Bien loin de vous enlever cette position, sachez que mon intention est de vous laisser un jour les ardoisières en toute propriété. Merci, Vivien, de cette généreuse intention. » Je fais les vœux les plus sincères pour votre futur héritier. Et vos fils à vous, Marc? J'espère qu'ils ne ressemblent pas à leur mère. Pas loin du monde. Ils sont Penrith jusqu'au bout des ongles. J'en suis enchanté. Où comptez-vous leur faire passer les vacances de Noël? À leur pension. C'est bien dur quand on a un oncle qui possède une si grande maison. Pourquoi ne les amèneriez-vous pas ici? J'accepte avec reconnaissance cette combinaison, Vivien. J'espère que cette jeune bande vous donnera comme un avant-goût de la paternité. Ce sont de solides gaillards que mes fils, toujours en bonne santé et de bonne humeur. » Il a été convenu que Mme Trevenock et Florence resteront à Penrith Place jusqu'au premier jour de janvier. Le major Leland leur a écrit qu'il quitterait Rockport pour aller passer la Noël chez ses sœurs et qu'il se rendrait à la Villa des Roses dès qu'on serait disposé à l'y recevoir. Précis, de plus en plus revêche, annonce qu'elle acceptait une invitation à Plymouth, où un fameux prédicateur doit prêcher l'Avent. Vivien profite de l'occasion pour lui laisser entendre que Plymouth offre toute l'année, sous ce rapport, des ressources que n'a pas Penrith Place. Est-ce une manière détournée de me dire que vous souhaitez me voir habiter une autre maison que la vôtre? J'ai des amis qui me recevront à bras ouverts et de qui je serai mieux apprécié que je ne le suis ici. Le fait est que Barbara et vous ne pouvez avoir de sympathie l'une pour l'autre. C'est vrai. Et je songe sérieusement à quitter Penrith Place, avant qu'un nouveau tyran n'y rende la vie tout à fait intenable. « Que votre volonté soit faite, Prissy, » lui dit Vivien, du ton d'un homme qui considère cette résolution comme un fait accompli. Vivien se décide à écrire au major Leland pour lui exprimer toute sa gratitude. Il donne communication de sa lettre à Barbara, en lui disant que lui-même n'eût peut-être pas agi avec autant de désintéressement et de générosité s'il se fait trouver dans de pareilles circonstances. Barbara sait maintenant toute l'histoire du crime qui a failli coûter la vie à son mari. Mais ce secret à jamais renfermé entre elles, Vivien, Marc et Didcot, n'ajoutera pas un chapitre de plus aux légendes de Camelot que la tante Julie se propose de laisser aux générations futures. Une semaine plus tard, Prissy, la dévote Prissy, quitte le château de Penrith Place, et Marc, le pêcheur, y arrive avec ses trois fils. Chacun salue avec une égale satisfaction ce mouvement en sens contraire. Barbara et Vivien vont recevoir sur le perron les trois jeunes écoliers et leur père. L'aspect du vieux château semble frapper les enfants de vénération, comme la vue d'un sanctuaire. Les deux aînés tiennent leur père par la main. Le plus jeune les suit en s'accrochant au pan de la redingote paternelle. « Vous avez l'air de bien aimer votre père ?» dit Vivien aux enfants. « Oui. » D'abord, papa ne gronde jamais, et maman grondait, grondait. Toujours, dit le plus petit, en interrompant son frère aîné. Puisque maman est au ciel, il est inutile d'en parler maintenant, réplique le cadet. Quelle belle rampe pour glisser à cheval dessus, dit le jeune Henri à Vivien d'un ton bien résolu. Petit téméraire, réplique Vivien. Les balustres ne se prêtent pas à ce genre d'exercice, et je vous ferai arranger une gymnastique. Vous pourrez prendre aux ébats sans risquer de vous casser le cou. En attendant, venez vous chauffer près du feu. » Barbara, assise à côté de sa mère, la regarde attentivement faire une bande de crochets dont la destination n'est plus un mystère. Marc propose à Florence une partie d'échecs. Elle l'a bientôt fait échec et mat, et charge Vivien de donner sa revanche à son frère. « Je ne puis, dit-elle, voir ces trois malheureux garçons se regarder comme des petits chiens de porcelaine. » Je vais les emmener dans la galerie où ils pourront courir et rattraper le temps perdu. » Florence gagne promptement la confiance des trois neveux de Vivien. Elle se mêle à leur jeu avec tant de feu et d'entrain qu'ils déclarent n'avoir jamais eu de meilleurs camarades. Elle achève de faire leur conquête en les emmenant à la cuisine remuer solennellement le plum pudding la veille de Noël. Jamais maman ne nous a laissé mettre ainsi la main à la pâte. La tante Julie nous apportait des noix et nous racontait des histoires, mais papa était toujours absent à Noël, et c'était un désappointement qui mettait tout le monde en rage. Ces paroles firent sourire Marc, qui, lui, plus qu'un autre, ne pouvait s'empêcher de préférer le présent au passé.